Deuxième partie. Le chemin du paradis. Nous venons de voir ensemble le Coran a sauvé le peuple d'Abibi et qu'il leur a permis d'être plus forts et de battre des ennemis puissants et dangereux. Mais aussi, il y eut beaucoup d'autres peuples dans l'histoire qui sont devenus forts grâce au Coran. Allah dit dans le Coran: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple. Ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation, et c'était notre devoir de secourir les croyants. C'est Allah qui a promis aux croyants qu'il leur donnera la victoire s'ils pratiquent les ordres de son Coran. Tu comprends maintenant comment ce livre est important, n'est-ce pas? Le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah, nous offre le bonheur dans l'Akhira. Sais-tu ce qu'est l'Akhira? L'Akhira, c'est l'au-delà, la vie après la mort. Dans cette deuxième vie, la vie d'Al-Akhira, les musulmans, les bonnes personnes, vont vivre heureux au paradis, tandis que les non-croyants, les mauvaises personnes, vont vivre malheureux en enfer. Incha'Allah, toi et moi, et toute ta famille, nous serons ensemble au paradis. Et nous serons joyeux ensemble. Bientôt, nous serons tous jugés par Allah, le maître des mondes, le seigneur de l'univers. Mais nous serons jugés par rapport à quoi ? Nous serons jugés par rapport aux ordres et interdictions contenus dans le Coran. Est-ce que nous avons bien appris le Coran? Est-ce que nous avons bien fait ce que dit le Coran? Si tu apprends le Coran, et si tu fais ce que dit le Coran, alors tu seras sauvé et heureux le jour où tu verras Allah. Car oui, tu verras Allah, Incha'Allah. Tu le verras avec tes propres yeux. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tu verras Allah dans l'Akhira, Incha'Allah. Quant à celui qui abandonne le Coran et qui ne veut même pas savoir ce que dit le Coran, alors celui-ci sera malheureux le jour du jugement. Et c'est le plus grand des malheurs. Qu'Allah nous sauve de ce malheur. Sache, mon enfant, que le Coran, c'est le livre d'Allah. C'est sa parole. Rien ni personne ne peut le changer. Et rien ni personne ne peut dire que ce livre lui appartient. Car ce livre appartient à Allah seul. C'est pour cela que quand tu lis le Coran, et quand tu apprends le Coran, puis quand tu fais ce que le Coran te dit de faire, tu dois faire tout cela pour Allah. Pour qu'Allah t'aime. Et pour qu'Allah te donne toutes les bonnes choses que tu veux. Tout ce que tu veux. Yeah! À l'intérieur du Coran, tu trouveras énormément de belles histoires. Tu trouveras les histoires des gens du bien et les histoires des gens du mal. Tu trouveras aussi les histoires des prophètes et les histoires des anciens peuples. Des histoires pleines de miracles et de récits extraordinaires. Tu apprendras pourquoi les gens du bien ont été récompensés par Allah. Et tu sauras quels actes ils ont faits pour mériter cela. Et tu apprendras aussi pourquoi les gens du mal ont été punis par Allah. Et tu sauras quels actes ils ont faits pour mériter cela. Allah dit dans le Coran: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous te racontons le meilleur des récits grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. À travers le Coran, Allah te parle de la création du monde, des animaux, des hommes, et surtout, il te parle de toi. Oui, Allah parle de toi dans le Coran, et il t'explique comment tu es venu sur terre. Alhamdulillah, Allah ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Au fil de la lecture du Coran, Allah te demande de faire beaucoup de choses. Mais ce ne sont que des bonnes choses pour toi. Par exemple, Allah te demande de toujours dire la vérité et de ne pas mentir. Dis-moi, est-ce que mentir, c'est bien? Mentir, c'est très mal. C'est un grand péché.